mais l'hôtesse revient avec deux bouteilles de champagne qu'elle partage avec Jacques et son maître et reprend son récit. « Vous rappelez-vous où nous en étions ?» Le maître. « Oui, à la conclusion de la plus perfide des confidences. » L'hôtesse. « Monsieur le marquis des Arcis et madame de la Pommerée s'embrassèrent, enchantés l'un de l'autre, et se séparèrent. Plus la dame s'était contrainte en sa présence, plus sa douleur fut violente quand il fut parti. « Il n'est donc que trop vrai !» s'écria-t-elle. « Il ne m'aime plus !» Je ne vous ferai point le détail de toutes nos extravagances quand on nous délaisse. Vous en seriez trop vain. Je vous ai dit que cette femme avait de la fierté, mais elle était bien autrement vindicative. Lorsque les premières fureurs furent calmées et qu'elle jouit de toute la tranquillité de son indignation, elle songea à se venger, mais à se venger d'une manière cruelle, d'une manière à effrayer tout ce qui serait tenté à l'avenir de séduire et de tromper une honnête femme. Elle s'est vengée, elle s'est cruellement vengée. Sa vengeance a éclaté et n'a corrigé personne. Nous n'avons pas été depuis moins vilainement séduites et trompées. Jacques. Bon pour les autres, mais vous ? L'hôtesse. Hélas, moi la toute première. Oh, que nous sommes sottes. Encore, si ces vilains hommes gagnaient au change. Mais laissons cela. Que fera-t-elle ? Elle n'en sait encore rien. Elle y rêvera, elle y rêve. Jacques. Si tandis qu'elle y rêve. L'hôtesse. C'est bien dit, mais nos deux bouteilles sont vides. Jean, madame, deux bouteilles de celles qui sont tout au fond, derrière les fagots. J'entends. À force d'y rêver, voici ce qui lui vint en idée. Madame de la Pommerée avait autrefois connu une femme de province qu'un procès avait appelée à Paris avec sa fille, jeune, belle et bien élevée. Elle avait appris que cette femme, ruinée par la perte de son procès, en avait été réduite à tenir tripot. On s'assemblait chez elle, on jouait, on soupait, et communément, un ou deux des convives restaient, passer la nuit avec madame et mademoiselle, à leur choix. Elle mit un de ses gens en quête de ses créatures. On les déterra, on les invita à faire visite à madame de la Pommerée, qu'elle se rappelait à peine. Ces femmes, qui avaient pris le nom de madame et de mademoiselle Desnoms, ne se firent pas attendre. Dès le lendemain, la mère se rendit chez madame de la Pommerée. Après les premiers compliments, madame de la Pommerée demanda à la Desnoms ce qu'elle avait fait, ce qu'elle faisait depuis la perte de son procès. « Pour vous parler avec sincérité, lui répondit la Desnoms, je fais un métier périlleux, infâme, peu lucratif et qui me déplaît, mais la nécessité contre la loi. J'étais presque résolu à mettre ma fille à l'opéra, mais elle n'a qu'une petite voix de chambre et n'a jamais été qu'une danseuse médiocre. Je l'ai promenée, pendant et après mon procès, chez des magistrats, chez des grands, chez des prélats, chez des financiers qui s'en sont accommodés pour un terme et qui l'ont laissée là. » Ce n'est pas qu'elle ne soit belle comme un ange, qu'elle ait de la finesse, de la grâce, mais aucun esprit de libertinage, rien de ses talents, propres à réveiller la langueur d'homme blasé. Mais ce qui nous a le plus nui, c'est qu'elle s'était entêtée d'un petit abbé de qualité, impie, incrédule, dissolu, hypocrite, antiphilosophe, que je ne vous nommerai pas. Heureusement, ils se sont brouillés. Ma fille lui en demandait un jour s'il connaissait ceux contre lesquels il écrivait, et l'abbé lui a répondu que non, s'il avait autre sentiment que ceux qu'il ridiculisait, et l'abbé lui a répondu que non, elle se laissa emporter à sa vivacité et lui représenta que cet abbé était le plus méchant et le plus faux des hommes.